visage ne dit rien. On me regarde en vain. Je ne suis simplement qu'un seul jeu parmi tant. Particularité, rien de particulier. C'est pourquoi je le sais. C'est pourquoi je le sais. Mais tu m'as oublié, non, je ne t'en.